Elle c'est ma cause, un point c'est tout. Elle avec moi dans le bien et le mal. Même si j'ai plus rien avec elle, j'ai tout. Quand je la vois, elle me remonte le moral. Et ça fait longtemps, ça paraît fou. Mais j'aime toujours quand elle me regarde. Même si je fais des erreurs, elle me garde. Crois-moi, y'en a pas de comme toi. On s'est connus, y'avait pas de sous-sous. Et on voulait se voir tous les jours. Je serais plus présent si c'est son désir. Je sais qu'elle et moi, s'aime comme des fous. Faut qu'on passe des soirées sans penser. Et à boire des coups et à s'ambiancer. Et finir tous les deux dans les îles. J'attends notre heure, mais je sais pas quand c'est. Elle me dit que j'ai mimi. Moi j'aime ses guili. Moi j't'aime à l'infini. Ça sera jamais fini. Elle me dit que j'ai mimi. Moi j'aime ses guili. Moi j't'aime à l'infini. Ça sera jamais fini. J'crois que j'vais me tailler avec la petite à Bilbao. Amore mio, j'aime que toi. Nous dans ces connus, y'avait pas de sous-sous. Et on voulait se voir tous les jours. Je serais plus présent si c'est son désir. Je sais qu'elle et moi s'aime comme des fous. Faut qu'on passe des soirées sans penser. Et à boire des coups et à s'ambiancer. Et finir tous les deux dans les îles. J'attends notre heure, mais je sais pas quand c'est. Des fois on se boude, viens fais plus ça. Après on se met dans tous nos états. Parle plus, c'est bizarre. Mais ça dure pas trop longtemps, ça va. Elle